La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi, au dernier jour de notre série J.K. Rowling Harry Potter, nous faisons un pas de côté pour nous intéresser plus largement au genre de la fantasy dans une émission proposée par Chloé Casmarek, Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Clément Berman. C'est donc de Harry Potter et J.K. Rowling dont nous avons parlé tout le début de cette semaine. J.K. Rowling, dont les romans ont été traduits en 67 langues au moins et qui a réussi à allier le fantastique et le rationnel, le légendaire et l'historique dans des fictions à multiples niveaux qui ont su séduire des millions de lecteurs. Pourtant, tout n'a pas coulé de source pour l'écrivaine anglaise qui a eu bien du mal à trouver un éditeur alors qu'elle était sans ressources et mère célibataire à Édimbourg dans les premières années de la décennie 1990. Sur sa biographie et sur une première approche de son œuvre, vous pouvez réécouter l'émission de lundi dernier. C'était avec François Combat et Jean-François Ménard. Elle est disponible en podcast. Mardi, avec Jean-Claude Milner, nous avons d'abord parlé des idées politiques dans la saga Harry Potter. Puis, avec Isabelle Smadjan, nous avons cherché à analyser les raisons de son phénoménal succès. Enfin, hier, c'est de l'aspect philosophique présent tout au long des 7 tomes de Harry Potter dont nous avons parlé, avec la philosophe Marianne Chaillant. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, pour élargir notre sujet au thème plus général de la fantasy, je reçois Anne Besson, professeure de littérature à l'université d'Arras, cofondatrice de l'association Modernité Médiévale et auteure aux éditions Kingsick de l'essai sur la fantasy dans la collection 50 questions fantasy dont le cycle des Harry Potter est l'un des derniers météores en date, mais qui correspond tout de même beaucoup plus, on va le voir, à l'œuvre de Tolkien. Bienvenue, voici la compagnie des auteurs. La définition du fantastique ne me semble pas résider dans les thèmes du fantastique, oui, qui sont des thèmes probablement communs à toute la littérature, que le fantastique plutôt traite d'une manière particulièrement aiguë. Dans le fantastique, ces mêmes thèmes se trouvent accentués, mis en relief, plus qu'ailleurs. Mais ce ne sont pas des thèmes différents. Ce qui définit le fantastique, je crois, c'est plutôt un certain type de réaction devant certains événements, devant certains phénomènes. Type de réaction que je caractérise justement comme fantastique et qui est celui en même temps de l'hésitation, de l'incertitude, de l'ambiguïté. Car dès que l'on décide quelle est la nature de l'événement qui se produit dans cet univers, on n'est plus dans le fantastique. La voix du critique littéraire Tsvetan Todorov qui répondait à Roger Pilaudin sur la définition du fantastique. Bonjour Anne Besson. Bonjour. Parler de fantastique, est-ce que c'est la même chose que de parler de fantasy ? Eh bien non. Alors, ça dépend de dans quelle langue on parle. En anglais, c'est à peu près la même chose. Fantastic literature et fantasy, c'est la même chose. Donc, c'est une des vraies difficultés qu'on a quand on parle, quand on utilise ce terme de fantasy, qui est un terme anglais, alors que je prononcerai désormais à la française fantasy, et c'est comme ça que on l'utilise, qu'on peut l'utiliser, parce que il est complètement entré dans la langue française, dans sa, dans son orthographe anglais. Mais depuis quand on prononce fantasy alors? À peu près à partir du moment où, où c'est entré dans notre langue, donc disons fin des années 90, début des années 2000 pour le terme fantasy, et puis avant hein, on avait héroïque fantasy, on utilisait ça comme ça, en le prononçant à la française également, depuis à peu près le milieu des années 80, depuis Donjons et Dragons et Conan le Barbare. C'est dans le dictionnaire français? Alors, bonne question. Je crois que les académiciens ont proposé une autre orthographe qui est F-A-N-T-A-S-I-E. Fantasy. D'accord. Voilà. Bon. Donc, il y a juste le IE qui vient remplacer le Y anglais pour faire l'effort de franciser le mot. Mais du coup, voilà, on a bien ce terme en français. Et alors, en français, cette fantaisie-là ne correspond pas au fantastique tel que Todorov vient de nous le définir, hein, et tel qu'il le définit dans l'introduction à la littérature fantastique au début des années 70. Todorov, il définit donc le fantastique comme une hésitation. Il dit dès lors que on a une certitude sur la nature du phénomène, donc surnaturel, hein, auquel on est confronté, on n'est plus dans le fantastique. On va basculer donc pour lui soit dans l'étrange, c'est-à-dire on a une explication rationnelle au phénomène, soit dans le merveilleux, où on accepte l'irrationalité du phénomène sans s'inquiéter davantage, sans s'en effrayer, etc. La fantasy est une littérature du merveilleux. Et alors Harry Potter, c'est de la fantasy. Alors Harry Potter, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que donc ça vient assez tard, hein, dans l'histoire du genre, et on considère que c'est de la fantasy matinée de fantastique, c'est-à-dire que l'autre monde d'Harry Potter advient au sein d'une autre, et il est comme un repli secret, hein, au sein de notre monde, il y est caché. Donc ça ne correspond pas aux cas les plus caractéristiques de la fantasy où l'autre monde est clairement distinct. Maintenant, pour moi, effectivement, ça relève de la fantaisie parce que pour les moldus, l'étrange, le phénomène surnaturel est inquiétant, mais pour les sorciers, il est totalement naturel, hein, il est totalement intégré à leur façon de concevoir le monde. Donc on a dans Harry Potter deux façons de voir les choses. Celle des moldus, qui va être une approche fantastique, hein, et celle des sorciers, qui elle est une approche purement merveilleuse, puisque la magie fait partie de leur existence. Alors la question se pose tout de même, Anne Besson, et le début de la conversation que nous avons le prouve, de savoir s'il s'agit d'un genre anglo-saxon, puisque, encore une fois, on cherche comment traduire ce mot anglais. Alors, est-ce que la littérature francophone s'est aujourd'hui emparée de la fantasy, ou est-ce que ça reste un genre anglo-saxon, et si oui, finalement, pour quelles raisons, quelles seraient les caractéristiques anglo-saxonnes de ce genre-là? Alors, ses origines sont clairement anglo-saxonnes. Cependant, aujourd'hui, hein, on a depuis une vingtaine d'années une école de littéraire, hein, de fantasy française, qui est parvenue tout à fait à maturité, et donc, hein, on a d'excellents, hein, auteurs français de fantasy. Maintenant, effectivement, on n'a pas d'histoire française de la fantasy avant les années 90. Donc c'est vraiment un genre qui est très récent. Donc la fantasy française vient de la fantasy anglo-saxonne. Oui, tout à fait. Et comment on explique ça alors? Pourquoi est-ce que finalement ce serait un genre qui serait réservé à une certaine ère ou une certaine façon de penser dans le monde? Alors, les origines sont très clairement à relier au romantisme anglais, hein, et à la manière dont le romantisme anglais a pris sur ces terres-là, et où il y a eu un intérêt massif pour le celtisme, pour le médiévalisme, bon, pour le fait de revisiter des périodes de leur histoire qui étaient attachées à un imaginaire, à des paysages, à des grands noms d'auteurs. Donc c'est ce fond culturel anglais qui a fait naître la fantasy, donc à la fin dans la deuxième partie du 19e siècle anglais. Donc ça naît vraiment après le gothique et de la littérature gothique, si on veut. Mmh. Les premiers auteurs de fantasy vont être donc des gens qui s'inscrivent pleinement dans ce mouvement, hein, de revival médiéval, comme par exemple William Morris, hein, qui en reste un très grand exemple, qui fait partie de la confrérie des peintres pré-raphaélites, donc dont le nom même dit la volonté de revenir en deçà la Renaissance, hein, pour remonter à des origines plus anciennes. Et William Morris donc va mener un travail dans tous les médias, puisqu'il est à la fois illustrateur, imprimeur, architecte, designer d'intérieur, et poète, et romancier sur la fin de sa vie, et puis c'est un homme politique très important. Et donc il va s'attacher à faire renaître des techniques et des façons de penser médiévales dans les maisons qu'il construit, dans son imprimerie de Kelmsmouth Press qui produit des manuscrits comme au Moyen-Âge, et puis dans ses romans, donc ils sont considérés comme les premiers romans de fantasy à proprement parler, à la fin toute fin du 19e siècle. L'autre aspect important pour la naissance de la fantasy anglaise, c'est l'importance qu'a chez eux et la légitimité qu'a pour eux la littérature adressée à la jeunesse. Puisque c'est un autre aspect que Harry Potter illustre bien, la fantasy a un lien très fort avec l'enfance, y compris quand elle ne s'adresse pas à l'enfance. Mais il y a des romans de fantasy qui auraient été écrits spécifiquement à destination des adultes. Oui, par exemple, les romans de William Morris sont écrits spécifiquement à destination des adultes. Le Seigneur des Anneaux, autant Le Hobbit, le premier roman publié de Tolkien, était destiné aux enfants, autant Le Seigneur des Anneaux, qui paraît longtemps après, est destiné à ces enfants qui ont grandi, donc qui sont devenus adultes. Et puis, si on pense tout simplement à George Martin et à son grand cycle, Song of Ice and Fire, c'est d'une extrême violence et d'une extrême complexité, et donc c'est assez déconseillé aux enfants. Mmh. Alors, quel est l'âge de ce genre? Vous parlez de William Morris, donc on est à la fin du 19e à peu près, et on a l'impression pourtant que c'est un genre qui remonterait au premier récit. Alors, est-ce que là, il n'y a pas comme une espèce d'illusion, comme un écran de fumée qui aurait peut-être été placé là précisément par les auteurs de fantasy pour donner le sentiment que c'est un genre finalement qui remontait très loin dans le passé, alors qu'au fond c'est un genre qui remonte au début du 20e à la fin du 19e. Oui, tout à fait. Il y a une espèce de légende du caractère immémorial de la fantasy qui est encouragée par les auteurs et par les lecteurs, parce que ça nous fait plaisir de penser que tout a toujours été de la fantasy, que dès les premiers récits, il y a vraiment une histoire, un texte critique comme ça qui dit les premiers hommes autour du feu, les premiers chamans, c'était de la fantaisie. Et l'Odyssée et la Bible, à partir du moment où il y a des phénomènes surnaturels qui se produisent et qui sont considérés comme naturels par leurs spectateurs, leurs témoins, leurs lecteurs, c'est de la fantaisie. Or non, c'est juste une façon différente de considérer le monde qui n'est plus la nôtre. La fantaisie, c'est le retour volontariste à cette façon d'envisager le monde depuis l'âge industriel, depuis une Angleterre qui précisément pleure cette perte, perd ses grands repères-là, perd ses paysages naturels, perd ses racines et les pleure. Et donc c'est une littérature de la nostalgie. De la nostalgie de cet âge d'or de l'enchantement. Qui n'a jamais existé. Bien sûr que non. Que les périodes successives ont toujours pleuré. Voilà, cette idée qu'on est dans une période désenchantée, les romantiques, oui, la ressentait déjà pleinement, et on la ressent toujours autant, donc ça marche. C'est une littérature nostalgique et qui pourtant est en partie destinée à un public qui ne devrait pas être nostalgique, c'est-à-dire les plus jeunes. Oui, alors ça permet à la nostalgie de se renouveler en permanence. C'est-à-dire que autant pour les adultes, si on répétait ce même message, on pourrait finalement en voir assez vite les limites. Autant quand on s'adresse aux enfants, ce message reste d'une actualité brûlante, puisque les enfants sont en train de vivre la fin, les enfants qui lisent, qui sont déjà à la fin de l'école élémentaire, et puis au collège, et puis au lycée, puisque c'est un cycle comme Harry Potter les suit dans cette maturation, ils sont précisément à l'âge où ils perdent cet âge d'or de l'enfance, qui est également une construction culturelle complète, mais donc ils peuvent vraiment égaler le monde de la magie avec le monde de l'enfance. Alors parlons un petit peu d'un écrivain auquel est évidemment associé en particulier ce genre de la fantasy, c'est Tolkien, avec d'abord un extrait d'une lettre envoyée au poète W.H. Auden sur la question de l'émergence de son héros, le Hobbit. Tout ce dont je me souviens à propos de la naissance du Hobbit, C'est que je corrigeais alors des copies du certificat d'études usées comme chaque année par cette éternelle besogne infligée aux universitaires impécunieux qui ont des enfants. Sur une page blanche, j'ai griffonné « Dans un trou vivant, vivait un hobbit ». Sans savoir pourquoi, aujourd'hui encore. Je n'en ai rien fait pendant longtemps, et pendant des années, cela n'est pas allé plus loin que la réalisation de la carte de Tror. Mais c'est devenu le Hobbit au début des années 30. Avant d'être finalement publié, non en raison de l'enthousiasme de mes propres enfants, même s'ils l'appréciaient bien, mais parce que je l'ai prêté à celle qui était alors la révérente mère de Sherwell Hedge, alors qu'elle avait la grippe. Le Hobbit a, je crois, été testé sur le fils de l'éditeur Stanley Hanouin, sans qui, une fois devenu adulte, je pense que je n'aurais jamais pu faire paraître le Seigneur des Anneaux. En raison du succès du Hobbit, on a demandé une suite, et les anciennes légendes elfiques ont été refusées. Un lecteur de l'éditeur a estimé qu'elles contenaient trop de ce type de beauté celtique qui, à forte dose, rend fou les anglo-saxons. Sans doute à juste titre. En tout cas, j'ai moi-même constaté la valeur des hobbits en plaçant de la terre sous les pieds du romance et en proposant des héros dignes de plus d'éloges que les héros professionnels. Une lecture par Jérôme Kircher. Anne Besson, est-ce qu'on vient d'entendre là finalement le récit de l'émergence de la fantasy moderne avec donc la première phrase du Hobbit rédigée dans une marge par Tolkien? Oui, c'est la renaissance effectivement de la fantasy. On qualifie souvent Tolkien de père de la fantasy, à juste titre, parce que sans lui, sans son œuvre, la fantasy telle qu'elle existe aujourd'hui n'existerait pas. Même si effectivement, il faut rappeler que qu'elle était apparue une bonne génération plus tôt, hein, et que Tolkien enfant a pu lire les contes, hein, qui avaient été par exemple édités à la fin du 19e, et que c'est là-dessus qu'il s'appuie. À la fin du 19e, et peut-être même encore avant, parce que vous citez Dickens par exemple. En quoi est-ce que Dickens pourrait être un grand-père de ce genre-là, un grand-père d'Harry Potter? Alors Dickens, c'est plutôt au niveau du style, hein, qu'on relie d'une manière qui peut sembler peut-être un peu paradoxale le style de Tolkien à celui de Dickens, parce que Tolkien a un style très réaliste. C'est un style qui n'est pas moderne du tout, alors qu'il écrit à l'époque des grands auteurs de la modernité. C'est un style qui reste attaché, hein, à une grande tradition du 19e. Et par ailleurs, Dickens, hein, est un des grands auteurs qui est à l'origine des traditions sérielles de la littérature populaire. La série, c'est une des caractéristiques de la fantasy. Il y a toujours série. Il y a très souvent effectivement développement en plusieurs tomes, hein, alors série ou cycle, hein, donc plutôt des histoires à suivre. Une des grandes caractéristiques de la fantasy, c'est le fait de développer un univers, hein, un univers secondaire, hein, selon les termes de Tolkien, et donc d'y revenir, hein, pour raconter de nouvelles histoires qui se situent soit après, soit souvent avant, hein, en amont de l'histoire première. C'est ce qui s'est passé pour Tolkien. Tolkien, donc, il fait paraître son premier roman, c'est Le Hobbit, mais il avait déjà écrit, hein, ce que votre extrait rappelait, il avait déjà écrit Les Légendes Elfiques. Ce qu'on appelle le légendaire tolkienien, donc une série de poèmes, de courts récits, de mythes, de légendes de la Terre du Milieu et plus largement du monde d'Arda, dont la Terre du Milieu n'est qu'une petite partie. Et donc, quand on lui demande une suite du Hobbit, il commence par proposer à ses éditeurs ces textes qui sont des textes antérieurs et qui racontent une époque antérieure, une époque plus grande encore, et une époque perdue. Un des livres de ce légendaire s'appelle Le Livre des Contes Perdus. À l'époque, le public n'est pas mûr encore pour cet arrière-plan grandiose du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et donc, hein, Tolkien va travailler très longuement à la suite qu'on lui a demandé. Donc, c'est intéressant cette question du cycle. Il faut préciser d'abord que Tolkien pensait publier Le Seigneur des Anneaux en un seul volume. Ça a été séparé ensuite par les éditeurs, mais au départ, c'était un seul volume qui devait constituer une seule histoire, un seul roman. Oui, tout à fait. Il avait prévu effectivement cette parution, mais le livre a pris de telles proportions que ça n'était évidemment pas possible. Et lui, la seule division qu'il acceptait, c'était la division en livres. Hein, il y en a 6. Il a accepté ce découpage et puis des nouveaux titres. Alors que Harry Potter, ce sont 7 tomes pensés, je crois, au départ comme devant faire 7 tomes, mm-hmm. et de plus en plus. L'univers déborde et se diffuse sur Internet, se diffuse dans divers canaux. Donc là, on est aussi dans une des caractéristiques de la fantasy, qui est ce développement un peu métastasique de l'histoire première. Oui, ce sont des mondes qui ont une forte tendance à l'expansion, une pulsion expansive du monde de fantasy, du moins de celui qui rencontre le succès public, hein, qui est effectivement illustré par le cas de Tolkien, hein, à qui on commande une suite du Hobbit et puis qui publie presque 15 ans plus tard un roman infiniment plus long, infiniment plus complexe pour un public plus adulte, donc quelque chose qui n'est pas réellement une suite du Hobbit. Ça s'illustre aussi donc effectivement dans le cas de Harry Potter, même si cette expansion est plus contrôlée au niveau des romans par Rowling, mais on voit bien le volume hein, de chaque roman qui croît de plus en plus, les délais qui s'allongent. Pas trop, mais tout de même un petit peu entre chaque passage. Et puis, ce qui s'est passé avec Rowling, ce qui s'est produit, c'est que justement au fil de cette parution longue, sur le long terme, les fans, hein, les lecteurs se sont emparés de l'univers. Donc, on produit énormément de textes annexes. Auquel Rowling s'est intéressée, hein, auquel elle a donné son aval, hein, dans une certaine mesure, et ensuite elle a pu se consacrer à son tour, hein, entrer dans ce jeu et donc proposer des développements. Donc elle devient un auteur parmi d'autres. C'est ça qui est incroyable. Oui, ouais, tout à fait. C'est ce que je constate, hein, à son propos, et c'est un cas pour le coup assez unique parce que justement, hein, elle mêle une véritable autorité d'auteur, hein. C'est-à-dire que vraiment tout ce qu'elle dit est parole d'évangile, hein. Je dis pas ce terme au hasard parce qu'on parle de canon, voilà, on parle de Bible, hein. Les termes du culte sont importants pour ces œuvres qui réunissent de telles communautés de fans. Et en même temps, effectivement, les lecteurs ont pris leur autonomie, hein, et notamment, hein, autour de l'enfant maudit, ont pu voilà exprimer leur des divergences, et puis de plus en plus faire valoir leur propre travail comme participants à l'expansion de cet univers. Une autre lettre de Tolkien, cette fois à Michael Strett, homme de presse. C'est une lettre qui date de 1956. C'est un conte de fées, mais écrit pour des adultes, conformément à la conviction que j'ai autrefois exprimée dans mon essai du conte de fées. Car je pense que le conte de fées a sa propre manière de réfléchir la vérité, différente de celle de l'allégorie, de la satire ou du réalisme, et d'une certaine façon, plus puissante. Mais avant tout, il doit être réussi comme simple récit, je veux dire passionné, donner du plaisir et même émouvoir par moments. Et se voir reconnaître une crédibilité littéraire à l'intérieur de son propre monde inventé. Réussir cela, c'était mon premier objectif. Mais si l'on entreprend de s'adresser à des adultes, à des gens adultes, mentalement en tout cas, ceux-ci ne prendront naturellement plaisir, ils seront passionnés ou émus, qu'à condition que l'ensemble ou que les péripéties semblent concerner une chose qui mérite leur attention. Plus, par exemple, que le simple danger et l'évasion, il doit y avoir un rapport avec la condition humaine de toutes les époques. Une partie des réflexions et des valeurs du conteur lui-même va donc nécessairement s'y mêler. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de ce genre, de la fantasy, avec vous, Anne Besson, qui en est spécialiste. Quelle réaction sur ce qu'on vient d'entendre, cette lettre de Tolkien ? Tolkien parle extrêmement bien de son travail et du genre de la fantasy, donc merci de le qu'il était réflexif sur son propre travail. Tout à fait, et notamment donc l'essai qu'il cite, hein, On Fairy Stories, du conte de fées, est incontournable sur la question, hein, donc j'en conseille vraiment la lecture. Alors il souligne dans cet extrait la cohérence qu'il a voulu donner à son monde et qui est un aspect très important et qui donne donc de la crédibilité, de la vraisemblance. Je parlais d'écriture réaliste tout à l'heure, ça va avec. Hein. Donc il fait vraiment en sorte que chaque petit détail vienne converger pour qu'on puisse croire, hein, à l'existence de cet autre monde. D'où aussi toute la question de la création d'un vocabulaire spécifique, chose qu'on retrouve chez Harry Potter. Il y a tout un monde à créer, tout un univers à inventer. Alors, de ce point de vue-là, Tolkien est assez insurpassable, hein, puisque en tant que philologue professionnel, il a véritablement inventé un système linguistique complet avec des alphabets, du vocabulaire, un lexique, enfin voilà, des choses sur lesquelles de vrais linguistes peuvent vraiment travailler. Et il y a des arbres généalogiques d'une extrême précision, une chronologie, des cartes, voilà, tout ce qui nourrira par la suite les autres univers de fantasy, mais qui souvent entreront moins dans le détail parce que Tolkien a véritablement consacré sa vie au développement de cet unique univers. Donc cohérence, il parlait également d'un sens philosophique plus haut. Et c'est aussi une dimension importante de la fantasy, c'est cette, donc vous en avez parlé, hein, de la philosophie d'Harry Potter. La fantasy est une littérature morale, est une littérature qui pose des questions éthiques et existentielles. Obligatoirement, oui. Puisqu'elle parle du bien et du mal, hein, elle parle de la manière dont on se construit en tant qu'homme, hein, de ce qui fait un homme, hein, de ce qui le distingue d'un monstre. Donc elle le fait de manière, en concrétisant les métaphores. Hein, donc de manière peut-être un peu lourde du point de vue de certains lecteurs, hein, mais d'une manière qui parle, hein, énormément à beaucoup de lecteurs qui ont besoin de voir encore poser ces questions-là qui se posent sans doute beaucoup moins dans la littérature contemporaine blanche. Alors le terme de conte de fées était employé dans la lettre. C'est quoi exactement un conte de fées? On voit tous ce que c'est, mais la définition du conte de fées, qu'est-ce que c'est? Alors pour Tolkien, le conte de fées n'est pas celui qu'on imagine, celui de Grimm ou de Perrault. Hein, il le dit très clairement. C'est fairy stories, ce sont les histoires de faerie. Donc ce sont des histoires qui se passent, hein, dans un monde mythique qui dépasse énormément le petit monde du conte merveilleux tel qu'on peut l'imaginer. Et ce sont donc ces questions ces histoires qui pose les questions de la nature humaine dans un monde mythique, le but étant pour lui de faire voir autrement le monde, hein, comme il le disait aussi dans cet extrait, de faire voir autrement le monde. Le conte de fées a quelque chose à apporter en termes de vision du monde, c'est ce qu'il appelle le recouvrement. Le conte de fées nous permet de faire un pas de côté par rapport à notre vision habituelle réaliste du monde quotidien, et donc de revenir à notre monde en ayant, il dit, lavé nos carreaux, donc en ayant recouvré une vue plus claire, et il nous dit que ça nous permet par exemple, hein, de percevoir à nouveau les couleurs dans notre monde quotidien. Tout est gris et embué. Et si nous voulons à nouveau percevoir, hein, l'éclat du soleil ou le vert de l'herbe, le passage par le monde secondaire de la fantaisie nous le permet. Alors, on parle beaucoup de Tolkien. Vous avez dit que c'était le père de la fantaisie moderne. Mais est-ce que ce n'est pas plus tard, est-ce que ce n'est pas finalement après lui qu'on va réellement le découvrir? Et vous parlez des années 60, hein, davantage que de la fin des années 30, qui marque le début de l'œuvre de Tolkien. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre finalement un peu avant que la fantasy vraiment se diffuse dans la société, dans les sociétés? Parce que donc à sa naissance, la fantasy anglaise que j'ai décrit jusqu'ici est une littérature d'élite. Elle est produite par des universitaires, des académiciens, des poètes, des gens qui appartiennent à une frange très très étroite, hein, de leur société. Et elle touche un public assez large, mais qui n'est pas le grand public. Pour que la fantasy devienne populaire, dans tous les sens du terme, il a fallu donc effectivement attendre que cette fantaisie anglaise se croise avec une tradition américaine qui est parallèle et concomitante et simultanée. Et ça se produit à la fin des années 60. Il y a une tradition américaine. C'est la presse, c'est quoi exactement? Ouais, tout à fait. C'est la radio, la télévision, le cinéma? Alors, dans la tradition américaine de la fantasy, elle commence dans la presse, effectivement, dans ces magazines bon marché qu'on appelle les pulps, hein, qu'on connaît un peu tous grâce à la pulp fiction, qui sont les magazines bon marché dans lesquels tous les genres de toutes les littératures de genre populaire se sont développées aux États-Unis, la science-fiction, le roman d'aventure également. Et donc dans les années 30, c'est par exemple le moment où Robert Howard, le créateur de Conan, hein, du héros Conan, publie ses nouvelles. Donc, exactement au même moment que Tolkien. Mais c'est évidemment des ouvrages qui sont très différents. Ce sont des textes courts, des textes marqués par l'action, la violence, par une personnalité de héros unique mise en valeur. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'heroic fantasy, mm-hmm. et qui est assez différente de l'epic fantasy de Tolkien. Dans les années 60, ce qui se produit, donc c'est autour de l'édition en livre de poche, hein, du Seigneur des Anneaux, on va vraiment passer, hein, à un autre niveau, et que l'œuvre de Tolkien va devenir un véritable phénomène culturel. Parce qu'elle est reçue à ce moment-là par un autre public, celui des étudiants des campus californiens de la contre-culture. Et c'est eux qui vont en faire un ouvrage culte. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Anne Besson, nous allons continuer à parler avec vous de fantasy dans la compagnie des auteurs, mais avant cela, et comme chaque jeudi, nous vous proposons d'entendre de grands lecteurs venir donner leurs sentiments subjectifs sur l'auteur dont nous parlons toute la semaine, et aussi, dans un deuxième temps, de repérer pour nous une actualité littéraire. Aujourd'hui, c'est vous, Frédéric Maget, qui venez nous voir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Vous avez été professeur dans une vie antérieure, et vous êtes lecteur de Harry Potter. Eh oui, je plaide coupable. J'ai lu, j'ai vu et j'ai aimé Harry Potter. Eh bien oui, on peut être spécialiste de Colette, défenseur des écrits de femmes et se passionner pour les aventures d'un jeune sorcier. C'est un écrit de femme, à lunettes. Quand même, et voilà, Potter. Et se réjouir au passage que d'ailleurs ce soit une femme qui truste les ventes de livres depuis près de 10 ans dans le monde entier. Alors c'est vrai que je dois à une de mes anciennes élèves de 6e d'avoir découvert Harry Potter. J'ai découvert un jour absorbé par la lecture d'un épais volume de 500 ou 600 pages, je dois dire que ça a quand même piqué ma curiosité de jeune professeur qui peinait à partager ma passion pour Adolphe de Benjamin Constant ou le traité de l'amitié de Madame de Lambert. Alors je plaide coupable pour ça aussi, qu'il me pardonne. En tout cas, piqué au vif, j'ai cherché à savoir de quoi il s'agissait. J'ai lu un volume, puis un deuxième, et puis j'ai attendu, comme tout le monde, la publication du prochain. Fébrilement. J'ai attendu la sortie des livres, j'ai versé une larme à la mort de Dumbledore, pardon pour le spoiler, et j'ai été, sans m'en apercevoir, eh bien, j'ai rejoint la communauté des lecteurs d'Harry Potter. Alors, je dis à dessein le mot communauté parce qu'il me semble qu'effectivement il y a dans ce grand phénomène mondial aussi tous les éléments d'un phénomène de société. J'ai l'impression que, comme la guerre des étoiles d'une certaine façon l'a été pour notre génération, Mathieu, qu'on ait participé à ce mouvement ou pas, ou comme les Claudines en 1900 ou les Thibault pendant l'entre-deux-guerres, il semble là que Harry Potter semble avoir été d'une certaine façon le catalyseur des rêves, des craintes et des aspirations de toute une génération. Alors, c'est difficile peut-être parce que le temps manque de cerner les détails, les tenants, la portée de ce phénomène. Sans doute des essais seront produits dans les années à venir sur la question. Je crois que c'est déjà le cas en partie. Moi, ce qui me frappe, c'est le fait que J.K. Rowling et les acteurs des films insistent beaucoup sur la dimension sociétale de l'histoire. On voit souvent J.K. Rowling prendre la parole pour lutter contre le racisme et un discours sur la tolérance. Je pense à Emma Watson, celle qui incarne Hermione Granger, qui est devenue une icône du féministe contemporain et qui sème à tout vent la servante écarlate de Margaret Atwood, ou bien encore d'ailleurs Daniel Radcliffe qui prend en fait et cause pour la communauté LGBT. Finalement, bah peut-être que la lecture d'Harry Potter, ça fait du bien et qu'on peut changer le monde d'un coup de baguette magique. Et votre actualité, c'est le livre de Gérard Bonnal qui raconte les Parisiennes américaines, les Américaines qui ont vécu à Paris. Alors juste avant ça, je vais faire un petit détour. Je sais bien que j'ai pas beaucoup de temps et que je ne dispose pas comme Harry Potter du sort approprié, mais je voudrais vous parler d'une autre écrivaine anglaise. On est là à la fin du XVIIIe siècle, c'est Anne Radcliffe, une des grandes pionnières avec Horace Walpole, évidemment, du roman gothique dont Anne Besson a parlé un petit peu tout à l'heure et qui, en 10 années à peine, de l'âge de 23 à 33 ans, 5 ouvrages seulement, a conquis elle aussi une audience mondiale et a profondément marqué, je crois, l'imaginaire littéraire européen. Et je pense en particulier Anne Radcliffe, ou en tout cas les réalisateurs des films, parce qu'on retrouve effectivement ces forêts profondes et interdites, ces châteaux labyrinthiques hantés par de sombres secrets. Il y a beaucoup d'éléments qu'on perçoit qui appartiennent à l'imaginaire. Mais effectivement, c'est pas de cette anglaise-là que je vais parler, ce sont d'américaines, celles en tout cas qui, à la fin du 19e siècle, ont choisi de quitter le puritanisme des villes de la côte Est pour trouver à Paris un espace de liberté et de création. Alors certaines sont connues, je pense à Nathalie Barnet, à Marie Cassatt, à Isadora Duncan, à Edith Wharton ou à Gertrude Stein. D'autres le sont moins, c'est le cas des sœurs Klumke par exemple, Augusta, Anna, Dorothea, Anne Morgan, la fille du célèbre banquier, Vinaretta Saint-Ger, l'héritière des machines à coudre du même nom, qui est devenue princesse de Polignac, ou bien de la peintre Romaine Brooks. Alors les unes tiennent salon et puis jouent le rôle de mécène, ça sera le cas par exemple de la princesse de Polignac avec toute une génération de compositeurs. Les autres créent des œuvres tout à fait marquantes et originales. Et parmi elles, je voudrais inviter les auditeurs à redécouvrir l'œuvre de la peintre Romaine Brooks, que Robert de Montesquieu, qui ne passait pas pour être une bonne langue, avait surnommé la cambrioleuse dame. Je trouve que c'est une très très jolie expression. Et dont les gris, puisque tous ces tableaux sont peints en gris, hein, hantent souvent la pensée de celles et de ceux qui ont pu voir ces rares œuvres, parce que peu ont survécu et elles sont rarement montrées. Alors Gérard Bonnal, qu'on connaît effectivement comme un spécialiste de Colette, il y a d'ailleurs un chapitre qui lui est consacré, puis on la retrouve tout du long, ou bien de la vie culturelle de l'après-guerre, puisqu'on lui doit une biographie de Gérard Philippe ou des Renaud Barrault, livre ici à mon avis un de ses meilleurs ouvrages, en tout cas un condensé de son art à lui, documentaire, puisqu'on y retrouve à la fois une érudition qui n'est jamais tapageuse, et une sensibilité contenue et qui est vraiment sensible. C'est un ouvrage qu'on lit avec plaisir, avec intérêt, sans cesse renouvelé pour ces femmes tout à fait courageuses. Et on retiendra notamment les très belles pages consacrées à la Première Guerre mondiale d'Edith Wharton. Mais je vois que Mathieu me dit que j'ai déjà été trop long et je me souviens du sort approprié, Aresto Momentum. Je ne vous dis rien, je souhaite préciser que c'est à découvrir aux éditions Taillandier. Merci beaucoup Frédéric Magé, à bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier épisode de notre série, commencé avec J.K. Rowling, et qui s'achève aujourd'hui sur le thème un peu plus large de la fantasy. Mon invité est Anne Besson, professeure à l'Université d'Artois. J'ai le sentiment très fort qu'on essaye d'aseptiser la littérature, parce qu'on essaye de protéger les enfants, non pas nécessairement de la réalité parfois morbide de la vie, mais de leur propre imagination. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais aux États-Unis pour Halloween, et j'ai vu 3 émissions de télévision à la suite qui discutaient de la meilleure façon d'expliquer aux enfants que ce n'était pas vrai. Au contraire, il y a une raison pour laquelle les enfants se racontent des histoires et pour laquelle nous avons toujours créé des histoires, et une raison pour laquelle les fêtes païennes existent, et il y a même une raison pour laquelle la religion laisse de la place à la peur. Nous avons besoin d'avoir peur, nous avons besoin de faire face à cette peur dans un environnement rassurant, c'est très important lorsqu'on grandit. Et l'enfant qui n'a pas été exposé aux détraqueurs dans la fiction a beaucoup plus de chances, lorsqu'il grandit, d'en être la victime dans le monde réel. J.K. Rowling, dans une traduction et une lecture de Chloé Kaczmarek. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Anne Besson, de cette idée que la littérature jeunesse serait souvent trop aseptisée et qu'au fond, on aurait besoin de faire peur, d'avoir peur pour grandir? Je suis tout à fait d'accord avec ça, et la fantasy, a priori, vraiment a toujours été dans ce sens, puisque ici, J.K. Rowling retrouve complètement la pensée de Tolkien, donc toujours dans son essai Le Conte de Fées, où il défend un conte de fées qui ne serait pas que pour les enfants, il défend un droit à l'enchantement pour les adultes, et il défend aussi parallèlement une certaine idée de l'enfant dont il estime que à force de vouloir le protéger, en fait, on le méprise. Et il dit qu'il faut écrire pour les enfants comme on leur achète des vêtements, une taille au-dessus, pour toujours les inviter à grandir, et voilà, et les tirer vers le haut au lieu de leur proposer des petits elfes mignons, mignards, que lui détestait absolument, hein, et l'essai du conte de fées est écrit contre cet affadissement du merveilleux, qu'il ressent très violemment, hein, comme quelque chose qui est une grande perte de la force de ces textes. Donc J.K. Rowling retrouve cette ambition-là, et elle a elle aussi, hein, tout du long, défendue, notamment contre ses éditeurs au départ, hein, avant qu'elle n'ait assez d'autorité pour imposer ses choix, le fait notamment de faire mourir des personnages importants et donc d'exposer ses lecteurs à ces espèces de petits traumatismes, hein, que sont dans nos vies attachées aux fictions, le fait, hein, de devoir faire le deuil de personnages. Oui, Frédéric Maget le disait, il a été lui-même traumatisé par la mort de Dumbledore et s'en remet très mal encore aujourd'hui. Comment vous expliquez le succès aujourd'hui de la fantasy, Anne Besson? En quoi est-ce que ça correspond à notre société actuelle pour vous? Alors c'est une très vaste question, assez compliquée. Alors évidemment c'est à relier à un désir d'évasion, un désir d'enchantement, mais donc qui n'est pas simple, qui n'est pas idiot, qui n'est pas puéril, hein, qui est une belle l'évasion comme une belle idée. On a toujours eu besoin d'évasion. Oui, tout à fait. On a toujours besoin d'évasion. Elle a toujours pris la forme de la fiction. Elle prend des formes fictionnelles différentes. Et là, effectivement, elle prend la forme littéralement d'autres mondes. C'est le titre de cette émission, je crois. D'autres mondes sont possibles. La fantasy nous dit précisément ça, et elle nous invite à revenir vers notre monde avec le regard éclairci. Elle nous invite à penser d'autres possibles, à garder en tête cette idée des possibles. Et ça, c'est une idée très contemporaine. Mais tout à l'heure, vous évoquiez cette racine de la fantasy faussement plongée dans une sorte de Moyen-Âge qui n'a évidemment jamais existé. Et on pourrait voir la fantasy, vous parliez de nostalgie, comme une littérature, allez, je vais dire le mot, même si je ne le pense évidemment pas, une littérature un peu réactionnaire. En tout cas, on a accusé un certain nombre d'auteurs, et peut-être Tolkien aussi, d'être un petit peu réactionnaire. Est-ce que vous voyez quelque chose de valide là-dedans ou pas? Alors en partie, évidemment. Toute la fantasy n'est pas progressiste. Maintenant, c'est effectivement une vue un peu courte, hein, que d'associer le fait qu'elle se situe dans le passé et qu'elle essaye de retrouver des valeurs anciennes avec un quelconque passéisme ou encore une des visions politiques réactionnaires. Pour moi, la lecture actualise constamment les textes, hein, et donc effectivement ils ont pu être écrits dans des époques où un certain nombre d'éléments thématiques nous semblent aujourd'hui dépassés. On ne traite plus les femmes ou les minorités de la même façon qu'on le faisait dans la littérature des années 30, hein. Mais on est aujourd'hui justement capable, hein, de relire ces textes en y insufflant notre vision politique. Les lecteurs de Harry Potter dont vous parliez, qui sont aujourd'hui engagés dans des combats progressistes, prouvent très largement cette capacité des jeunes lecteurs d'aujourd'hui à se saisir d'une littérature qui semble tourner vers le passé pour lui faire porter des messages du présent. Mmh. Il y a la question du manichéisme très fort de la fantaisie, c'est le bien contre le mal. Non, c'est pas le bien contre le mal. Oui, c'est le bien contre le mal, mais avec toutes les nuances au milieu, et ce depuis vraiment les origines. On a tendance à penser que c'est quelque chose de récent dans la fantaisie, que au départ la fantaisie est très manichéenne et que aujourd'hui elle va vers plus de nuances. On oppose très souvent Tolkien et son manichéisme noir-blanc contre George Martin et ses héros tous grisâtre et plutôt noir. En réalité, chez Tolkien, déjà, les héros sont tentés par le mal, et dans l'autre sens, des personnages qui représentent le camp du mal ont du bien en eux et permettent au bien d'advenir dans Elric, le nécromancien de Moorcock, qui est un cycle grandiose qui date des années 60. Le héros est un anti-héros, un prince du chaos avec une épée noire qui boit le sang de ses victimes. Donc voilà, c'est ces nuances-là et cette volonté de présenter les différentes facettes possibles du spectre moral ça a toujours été présent en fantasy. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de la fantasy avec vous, Anne Besson de l'Université d'Artois. La fantasy appelle immédiatement des images quand on réfléchit, quand on pense à Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, on a tout de suite des images. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un lien très très étroit entre le visuel et ce genre littéraire, Anne Besson ? Tout à fait. La fantasy est un genre multimédiatique depuis ses origines et c'est un genre de l'imaginaire au sens de qui produit des images. Donc dans la tête de ses lecteurs, mais aussi sous la plume des créateurs au départ, la plume, le pinceau, et puis rapidement sous toutes les formes médiatiques possibles. Donc dans l'écriture, ça veut dire des descriptions, ça veut dire une écriture visuelle. Alors, la prose de Tolkien est très descriptive. Hein. C'est quelque chose qui peut arrêter certains lecteurs. Hein. Il y a notamment les fameuses 50 premières pages du Seigneur des Anneaux qui en ont découragé plus d'un. Donc, qui sont à la fois une espèce de généalogie du peuple hobbit. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions de paysages chez Tolkien. C'est moins le cas ensuite parce qu'en fait, on peut s'appuyer sur un imaginaire qui est déjà constitué et sur lequel le reste de la fantasy va faire fond. Mais au-delà de la littérature, hein, donc on a beaucoup de peintres et d'illustrateurs, d'auteurs qui sont également des créateurs d'iconographie. les textes dont vous avez parlé, Tolkien et Rowling, si on les associe autant à des images, c'est aussi, et bien sûr, parce qu'ils ont été adaptés au cinéma ou sous forme de dessin animé avant pour Tolkien. Il y a également toute une iconographie liée aux jeux dont on n'a pas parlé, mais qui sont extrêmement importants pour la culture de fantasy. Ce sont des mondes qui donnent envie d'y pénétrer parce qu'ils ont cette consistance et ce détail de visuel qu'on peut leur attribuer. Donc ce sont les jeux de rôle, c'est ça ? Ce sont les jeux de rôle, tout à fait, qui naissent donc dans les années 70, au même moment que le phénomène culturel aux États-Unis et qui sont toujours un moyen d'expression très important pour la fantasy et qui sont toujours associés à des très beaux livrets illustrés donc qui vont avec une iconographie. Il y a toujours aussi cette idée que la fantasy fait référence à des images qui sont des images communes à tout le monde. Que quand on parle d'un dragon ou d'un chevalier, on a vu un certain nombre d'images qui nous permettent tout de suite d'identifier et de partir de ces figurines, de ces petits idéotypes pour élaborer un imaginaire. Donc la fantasy récupère tout un univers visuel qui est ancien et qu'elle ingère comme ça, Anne Besson. Alors elle a amplement quand même contribué à le créer, hein, cet univers. Bon, alors les chevaliers, bien sûr, on en a dans les livres documentaires pour enfants, mais les dragons, pas tant que ça, à part quelques saints de notre qui ne sont plus si à la mode. Le dragon contemporain, qui nous semble une évidence, il ne remonte pas tellement plus loin que Smaug, le Smaug du Hobbit de Tolkien est un des grands exemples qu'on va avoir du dragon. Mais effectivement, la fantasy s'appuie sur des codes, sur des stéréotypes. C'est ce qui peut parfois lui être reproché, mais c'est sa très grande puissance dans la culture médiatique aujourd'hui. Mais j'ai lu dans un article de vous que les auteurs français, quand ils avaient commencé à s'intéresser à la fantasy, avaient cherché à sortir des grandes codifications habituelles en se disant « nous allons faire une fantasy qui ne sera pas une fantasy d'inspiration anglo-saxonne, mais qui sera une fantasy proprement française ou francophone ». Et vous expliquez qu'au fond, ça ne marche pas très bien. Il faut accepter de récupérer un vocabulaire, de récupérer un certain nombre de codes qui sont les codes du genre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'enfermant aussi là-dedans ? C'est le fonctionnement des littératures dites de genre. Elles fonctionnent sur ce qu'on appelle un macro-texte ou un méga-texte qui est comme un réservoir de motifs dans lequel chacun va pouvoir puiser. Tolkien appelait ça le chaudron du conte. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les éditeurs qui recherchent des histoires ? Est-ce que ce ne sont pas aussi les lecteurs qui recherchent ce type d'histoire ? Qui est le responsable de la stéréotype ? C'est une grande question, mais en même temps, la fantaisie ne cesse d'évoluer à l'intérieur de ces contes. À l'intérieur de ces codes. Le chaudron du conte, qui continue à bouillir, chacun y met des ingrédients nouveaux, et la soupe se renouvelle. Et les auteurs français, pour certains d'entre eux, ont voulu faire valoir une valeur d'originalité qui est plus importante dans notre culture littéraire que pour les anglo-saxons dont les auteurs spécialisés se satisfont mieux des normes. Mais ils ne l'ont pas tous fait. Il y a des cycles tout à fait classiques en fantasy française, comme ceux de Pierre Grimbert, par exemple. Les héritiers de J, c'est de la fantasy, de la bonne fantasy classique. Et puis, ils ont réussi dans un second temps de cette longue évolution de la fantasy française, à produire des œuvres à la fois référencées et originales. Ça n'est pas du tout impossible. Les films, pour terminer, vous pensez qu'ils sont réussis ? Ce sont des œuvres d'art aussi, comme on a dit à la première émission de cette série, que Harry Potter était une œuvre d'art. Alors les films tirés de Harry Potter sont un excellent complément au livre. Je n'en dirais pas forcément autant des adaptations qui ont été tirées de l'œuvre de Tolkien, alors qui ont été très importantes. Quelle différence vous feriez entre le film Le Seigneur des Anneaux et le film Harry Potter ? Rowling a été directement associée au processus créatif d'adaptation de ses œuvres, tandis que ce n'est pas le cas pour Tolkien, forcément, ni Tolkien donc qui était mort, ni non plus sa famille. Hein. Ils avaient vendu les droits et au contraire, il y a eu un conflit légal autour de ces adaptations. Bon, Tolkien, qui était assez pointilleux sur son œuvre, lui-même s'était régulièrement opposé à différentes démarches d'adaptation. Donc c'est vrai qu'on sait que du côté de l'auteur, c'était quelque chose qui n'allait pas de soi. Merci beaucoup Anne Besson pour ce voyage grâce à l'imagination dans les autres mondes possibles. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur la littérature de genre, dont La Fantasy, paru en 2007 aux éditions Klingsic, ainsi que Constellation, des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain, aux éditions cette fois du CNRS en 2015. C'était le dernier épisode de notre série consacrée à Harry Potter, J.K. Rowling et La Fantasy. Pour l'heure, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé et ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour à tous. Nous continuons à écouter le récit de la catastrophe de Bhopal dans son livre infiniment proche. Je suis un survivant, un rescapé de ces terres maudites. Je reviens ici où le ciel glisse comme un défi. La jungle est un amas de ferraille, le nectar est devenu poison. Je m'abreuve à présent d'une eau chargée de métaux lourds. Je ne suis plus qu'un souffle, un sac de peau rouillé en proie à des visions dont j'ai perdu la mémoire. Je remonte le cours de l'univers, je salue, j'accepte, je m'incline. Qu'as-tu vu, frère aîné du monde? Qu'as-tu vu dans ce brouillard du cœur? J'ai vu la danse du gaz mortel, j'ai vu un nuage plus lourd que l'air glisser au ras du sol vers la ville endormie. J'ai vu la terre saigner lentement, j'ai vu le sang des enfants dessiner des étoiles sur les trottoirs. Il y avait une ville, il n'y a plus qu'un brasier. J'ai vu des cohortes d'aveugles saisies par le vent des cendres. J'ai vu des femmes aux yeux éclatés, des décombres d'âmes errantes, des esprits défigurés, je ne sais plus parler humain. Chaque jour est un jour des morts, nul ne peut plus boire à la source où coule encore l'eau vive. Où est le maître des remèdes? Où est le seigneur des larmes? Qu'as-tu entendu, frère aîné du monde? Qu'as-tu entendu frémir dans cette terre gorgée de poison? J'ai entendu un orage porté par le feu comme une alarme, la voix du maître des nuits de douleur, comme si le battement du cœur de la lune s'était accéléré. J'ai entendu la mort mettre son voile et avancer à cloche-pied sur ses cristaux de silence. J'ai entendu des larmes de fer couler sur les joues des nuages. J'ai entendu s'asphyxier le cœur même de l'Inde, mille et une plaies d'un mal absolu qui ronge lentement le corps de la terre-mère. Union carbide, avec un crâne à la place du haut, visage d'enfant enserré dans une gangue de gravats. J'ai écouté le murmure de milliers de morts. Le poème « Bhopal Blue » se trouve dans le livre « D'un univers funambule » de Zeno Bienu qui vient de sortir chez Gallimard. Nous lisons « Tiens, René Daumal, ça n'est pas pour déplaire à Zeno Bienu, les quatre temps cardinaux. La poule noire de la nuit vient encore de pondre une aurore. Salut le blanc, salut le jaune, salut germe qu'on ne voit pas. Seigneur midi, roi d'un instant, au haut du jour frappe le gong, salut à l'œil, salut aux dents, salut au masque dévorant toujours. Sur les coussins de l'horizon, le fruit rouge du souvenir. Salut soleil qui sait mourir, salut brûleur de nos souillures. Celle qui veille quand les trois s'agitent. Fermant les yeux, je la vois sans rien voir, par-delà les ténèbres. Fermant l'oreille, j'entends son pas qui ne s'éloigne pas. Zeno Bienu, on le sait, est un poète jazz. Il a fait des hommages à Coltrane, Chet Baker, Albert Ayler. On le quitte sur Souffle d'aile, le dernier texte d'un univers funambule. Oh, oh, oh, ton souffle tremble à des fins de magie. Ton souffle me dit, la terre est en amour. Ton souffle danse de révélation en révélation. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes de René Daumal et Zeno Bienu. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.